بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك والذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ونهى عباده أن يضرب له الأمثال أو يجعل له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. Donc on a le jawab au mushabbih, c'est-à-dire celui qui veut faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. On a plusieurs jawab dans la première composante, dans la première réponse. Premièrement, celui qui nous a parlé, lui, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, le mushabbih, celui qui veut faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala, l'anthropomorphiste, hakadha, celui-là, il va te dire, moi, Allah, il m'a parlé par rapport à mon aql. D'accord ? Donc, mon aql ne peut comprendre du nuzul, c'est-à-dire de la descente d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ila sama et dunya, ou alors de l'yed, ou alors de la main, etc. etc. Je ne peux comprendre que ceux qui existent devant moi, qui sont les créatures et l'aql. La même chose chez les créatures. Je ne peux comprendre que cela. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu dois lui répondre? Premièrement, comme on a dit, avec le Coran. D'accord? Tu lui dis, oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous khatab de cette manière-là. Mais celui qui t'a dit ça, il t'a aussi dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui ressemble. Donc toi, tu ne peux pas t'imaginer quelque chose dont rien ne lui ressemble. Sah? Khalas, ça s'arrête là. Rien ne lui ressemble. Et en plus, tu as l'interdiction de le faire ressembler à quelque chose. Non seulement rien ne lui ressemble, mais en plus, tu as l'interdiction. C'est quoi l'interdiction ? Fala tadribu lillahi al-amthal. Vous avez compris ? Fala tadribu lillahi al-amthal. Et si tu le faisais ressembler à quelque chose, sache qu'Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, dit Fala taj'alu lillahi andada, ne donnez pas des égaux à Allah. Donc, non seulement tu ne dois pas faire ressembler, et en plus, si tu le fais ressembler, si tu es amené à faire ça, sache que tu rentres dans l'interdiction qui est « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ ». Vous avez compris ? Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit pas ici. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ et « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ ». Est-ce que ça se contredit ça ? Là, rien ne lui ressemble, Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, tu as l'interdiction de quoi ? De faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que forcément tu vas tomber dans l'anthropomorphisme qui est interdit et qui est le fait aussi de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris ça, cette argumentation ? Ça, c'est la première. La première, elle avait kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit rester sur ça en vérité. Si al-mushabbih sort de ça, forcément, alors là, khalas. S'il sort de la parole d'Allah, là c'est khatir, ça peut être dangereux. ثانيها أن يقال ألست تعقل لله ذاتا تشبه الذوات فسيقول تشبه الذوات ألست تعقل لله ذاتا تشبه الذوات normalement c'est là تشبه صح. Vous avez là, donc là il y a une erreur, il manquait un truc. Donc là تشبه الذوات فسيقول بلى فيقال له فلتعقل له الصفات لا تشبه الصفات فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. Regardez, là, ça c'est une règle que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ramène beaucoup dans ses livres. Une fois l'étape des nusus établie devant lui, ce qu'on appelle iqamat al-hujja, tu viens, tu lui ramènes le nusus. Et après ça, lui ne peut pas, a compris plutôt ces nusus-là d'une autre manière, parce qu'en réalité, eux, lorsqu'ils comprennent ces nusus-là, ils les comprennent d'une autre manière. On vous les a déjà expliqués. Eux, pour eux, les sakamit léchés, justement, c'est le nefil mufassal. Vous avez compris? Vous avez compris? Taïb, on l'avait expliqué ça au début. Eux, ils n'ont pas la même notion de l'ay sakamit léchés avec toi. Justement, ils le prennent comme dalil pour faire le nefil mufassal et pour dire que rien ne ressemble à Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour faire aussi le ta'til. Vous avez compris? Tandis que nous, non. Vous vous souvenez de ça, quand on a parlé de ça. Maintenant, tu lui parles avec le aql. Tu lui dis, est-ce que, comment il l'a traduit? Vas-y, juste après, là. Taniha. Taïb, est-ce que tu conçois une dhat, personnalité ou une personne à Allah? Est-ce que tu le conçois, cela? Est-ce qu'Allah existe, il a une personnalité? Naam. C'est obligé, il va dire oui. Sinon, khalas. إذا نفى إيش الذات لله سبحانه وتعالى تجي لي خلاص تجي لا لكم دينكم ولي دين vous avez compris parce que là il est obligé vous avez compris là dans le niqash il est obligé d'arriver à ça طيب tu lui dis à lui il va te dire oui continue après il dit ça Allah Akbar شوفوا si toi tu conçois qu'Allah existe et qu'il a une personnalité. Et tu sais que sa personnalité ne ressemble à rien. Même toi, tu le dis d'ailleurs. Hein? Rien ne ressemble. Attends, pourquoi, si on lui attribue des attributs, pourquoi forcément tu veux les faire ressembler à Ish, hein? À ceux du khalq. Et à ceux que ton aql veut concevoir et rien d'autre. Pourquoi? Vous avez compris? Et là, khalas, en vérité, là, il s'arrête. Et prenez la règle. Al-kalamu fi dhati, al-kalamu fi sifati, kal-kalami fi dhat. Voilà la règle. Al-kalamu fi sifat. La parole dans quoi? Dans les sifat, c'est comme la parole fi dhat. Parler des attributs, c'est parler de sa propre personne, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les attributs sont à la personne. Mais faut, vous avez compris ça, inshallah? Parler des attributs, al-kalamu fi sifat, kal-kalami fi dhat. Si tu dis laïsa kamitlihi shay, laïsa kamitlihi, laïsa kanuzulihi shay, son nuzul, d'accord? Et là, toutes les sifats que tu vas donner, toutes les sifats que tu vas donner, tu vas dire laïsa kamitlihi shay, c'est la même chose, même les sifats. Eish el farq bainahuma. Et celui qui veut diviser entre les deux, c'est-à-dire dhat ou sifat, alayhi bid dalil, déjà premièrement, mais automatiquement, il va tomber dans quoi? Dans le tanaqud. Et le tanaqud, c'est quoi? C'est la contradiction. Et prenez une règle. Quand on dit qu'une personne, elle est tombée dans le tanaqud, dans la contradiction, le tanaqud, ça veut dire khalas. Il n'est plus crédible. Il est irrécupérable. Vous avez compris? Khalas. Quand quelqu'un, il tombe dans le tanaqud, khalas. Pourquoi tu dis ça là et tu dis pas ça là? C'est quoi ton... Vous avez compris? Ça veut dire qu'on verrait... Qu'est-ce que ça prouve le tanaqud? Soit ça prouve que la personne n'a rien compris au sujet, ça c'est la première des choses, ou soit ça prouve qu'il y a du hawa. Il y a quoi? Il y a de la passion, il y a du hawa. Il veut dire qu'il y a ici, mais pas là. Pourquoi? Seul lui le sait. D'un jugement, on va dire, extérieur et général, on va dire, toi en vérité, tu as du hawa. Pourquoi là, ce qu'on appelle aussi le deux poids deux mesures des fois? Ça? Le deux poids deux mesures, des fois quand des gens ils sont contradictoires, c'est un deux poids deux mesures, c'est quoi? Nous on dit, Ida waqa'ata fi at-tanaqud, si tu es tombé dans la contradiction, forcément tu es irrécupérable. Et là, khalas, on ne parle même plus avec toi. Khalas, c'est fini, tu n'es plus crédible. Mafoum, vous avez compris? Donc on le dit, man farraqa baynahuma faqad tanaqad. Celui qui veut farraqa entre les sifat et les dhat. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam leur dit, ah, je vais vous ramener une règle, montrez-moi le contraire. Al-kalamu fi sifat, kal-kalam fi dhat. Vous avez compris? Et ça, le premier l'avoir, hein, on va dire le premier l'avoir compris, le premier l'avoir bien montré, c'est celui, c'est qui? C'est l'imam Malik. Lorsqu'il lui dit, « Wa kayfa stawa ?» Lui, il sait que le kayf, il est quoi? « Majhoul, pourquoi ?»« Laysa kamit lihi shay wa huwa sami' al-basir » Il a appliqué directement cette règle. « Istiwa, c'est une sifat. » D'accord? La sifat, c'est comme « dhat ». « Dhat », on ne la connaît pas. صح دونك الصفات aussi on la connaît pas donc l'istiwa on le connaît pas خلاص الكلام في الصفات كالكلام في ايش في الذات زي كومبري كما الى في الامام مالك طيب هذا يفيدك هذا ثالثها ان يقال الست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له: إذا عقلت ذلك التباين بين المخلوقات فيها في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق، كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Alors, les noces, il n'a pas voulu comprendre. صح؟ العقل السليم كم يندني الكلام في الصفات كالكلام في الذات، il veut pas comprendre encore. Il lui faut un مثال وش؟ وين؟ Il lui faut un مثال dans le واقع, dans la réalité. طيب لي؟ Vous avez compris? Tu lui montres un mythal fait le waqih. L'éléphant, il a un œil. La fourmi, elle a un œil, c'est le même. La fourmi, c'est un être qui est minuscule. Et l'éléphant, vous savez, comment il est grand. Est-ce que, quand on dit œil, œil, les deux, ils ont des yeux, ça? Est-ce qu'il est un mythalone? Est-ce que c'est la même chose? Non. Pourquoi tu es capable de le concevoir dans la réalité, la fourmi, dans la réalité des choses, pourquoi tu es capable de le concevoir dans cette ville et tu n'es pas capable de le concevoir entre le makhlouq, al-da'if, al-insan, la créature, et qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est obligé qu'il y ait une différence. Tout ce que tu fais, et tu dis, comme il lui est propre, mais c'est parce que, comme on vous a dit, c'est parce qu'ils ont voulu imaginer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses sifat, ta'ala Allah an hada, lorsqu'ils ont voulu imaginer, etc. Et ça, c'est l'insan. L'insan, les frères, il est plus tenté, ça c'est une parenthèse, il aime ce qu'il voit. L'insan, il aime ce qu'il voit. L'insan, il aime ce qui est palpable. Sah? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, dans son din, la meilleure des choses, c'est-à-dire le plus beau des délices du paradis, ça sera la vision d'Allah. Nasallahu alayhi wa lakum dhalik. Mais il l'a laissé pour celui qui l'adore. Qui? Pour celui qui adore sincèrement et qui réserve cette chose-là, qui réservera ça pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà. Nous, on veut tout de suite, le ajil. Bal tuhibbuna, al-ajila. Vous aimez les choses qui sont... Toi, t'aimes bien le palpable, t'aimes bien que t'es tout de suite. On t'aime pas qu'on te dise, ouais, plus tard. Ça, là, là. Tu veux tout de suite voir. لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. Ils l'ont dit. Les peuples d'avant l'ont dit. Ils ont dit, nous on croit en Allah que si on le voit. Et Taïb, il est là justement, le petit combat, l'épreuve, la vraie épreuve, elle est là. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et si, إذا كنت محسنا في العمل فالله سبحانه وتعالى سيعطيك الجنة. Mais l'insan, là. L'insan, il veut tout de suite, tout de suite. Et il veut voir Rabb al-Alamin. Et même voir Rabb al-Alamin, Moussa alayhi salam, il a demandé. Arini anzur ilayk. D'accord? Arini anzur ilayk. Ma fiché. Demandez la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, demande la vision d'Allah, mais fait l'akhira. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, fait dunya, l'antarani. Attention, la vision d'Allah, elle est impossible. Et les ulama, ils ont dit, fait dunya. Mais dans l'akhira, c'est possible. D'ailleurs, ça sera fait arasat al-qiyama, c'est-à-dire yom al-qiyama, jour de la résurrection, et quand? Et au paradis. Sah? Souvenez, ça fait partie de notre aqida également. Même fait dunya, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et a dit à Moussa. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait pu le voir, c'est qui? C'est Moussa ou les autres prophètes, alayhi mussalat ou salam, s'il le demande. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lan tarani. D'accord? Le diège, l'antarani. Mais l'insan, il veut toujours. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Haoula. Et ils ont imaginé Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils veulent s'imaginer Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez les gens, comme ils se précipitent à faire des photos aussi, à faire des images, à faire des choses, simplement pour que l'insan, pour tranquilliser l'esprit de l'être humain qui aime ça, qui aime le palpable. Et ça, c'est interdit. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. A interdit cela, premièrement pour préserver la religion. Pour préserver le dîn. Si quelqu'un se met, par exemple, à dessiner, le prophète, comme le font les chiites, par exemple, ils ont l'autorisation dans leur dîn à eux, hein, de dessiner Ali, radiallahu anhu. Alors, ils le dessinent et puis ils le mettent. En portrait, etc. Et ils le mettent chez eux. Et tu le vois en grand dans tous les trucs. Eux, ils ont le droit. Hein, chez eux, ils ont le droit. Mais nous, fait des islamistes, qu'on a le droit? Là, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on préserve l'éthique. On préserve l'éthique de notre religion. On préserve notre religion de cette manière-là. Ce n'est pas tout le monde qui vient, hein, et qui va venir et qui va commencer à faire des choses. Mais Foumi et Juan, est-ce que vous avez bien compris ça? Donc l'ajil, hein, l'ajil que l'insan aime beaucoup, ça, on ne peut pas, au contraire, on le prendrait comme dalil contre, hein, cette aqida, etc. Donc l'anthropomorphisme, هذا التشبيه هذا, هذا لا يجوز. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'était interdit. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قسم الثالث انتظر Ça dépend le nafi qu'il a. En fait, dans les asma ou sifat, les ulama, ils ne sont pas comme dans tawhid al-uluhiyya, les autres tawhid. Dans tawhid l'asma ou sifat, le fait qu'il y a eu des choubah, des grandes choubah, ils sont, on va pas dire ils sont un peu plus souples, mais ils sont un peu moins fermes. Ma foi, dans ça. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que, مثلاً اليد, اليد. En arabe, tu peux dire que l'yed, la main, c'est quoi? C'est une quwa. On peut le dire ça. Donc, par le fait qu'il y a un ta'wil dans la langue arabe, mafoum, eh ben, on ne va pas dire directement d'eux que c'est des kuffars s'ils disent que l'yed c'est al-quwa. Mafoum, vous avez compris ça? En fait, c'est parce qu'il existe. Parce qu'il existait des interprétations, ce qu'on appelle le ta'wil, ils vont être un peu moins, on va dire, chadid avec eux. Quoique, il faut savoir une chose, c'est que Al-Asha'ira eux-mêmes, ainsi que tous ceux qui leur ressemblent, Jahmiya avant eux, il a khéré, ils n'ont pas adhar tout le monde. Les ulama, ils n'ont pas adhar tout le monde chez eux. Comme on a dit qu'il y avait un farq sur, qu'il y avait un khilaf sur le hukm ala takfir, l'asha'ira. On avait expliqué ça, qu'il y avait un khilaf dans ça, parce que la finalité de leurs paroles, il y en a beaucoup qui ressemblent à ou Jahmiya. Vous vous souvenez? Taïb. Mais ce qui les empêche directement de dire que c'est mubtadi'a, c'est des kuffars, ce qui les empêche, c'est quoi? C'est le ta'wil. Mais le ta'wil, pas n'importe lequel. Le ta'wil sa'ir, le ta'wil qui a lieu, qui est possible, d'accord? Si c'est un ta'wil qui est impossible, d'accord? Comme on vous a dit, hein, on a donné souvent les ta'wil, par exemple des Rafida, qui disent « Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara », ils ont dit que c'était Aïcha, a'udhu billah. Ça c'est un ta'wil, il n'est pas sa'ir, ça. Ça c'est vraiment pour dénigrer Aïcha, pour vraiment mépriser un Umm al-Mu'minin, d'accord? Mais quand il y a un ta'wil fait l'ourat al-arab, il existe un ta'ouil, etc. Là, ils vont être un petit peu plus. Mais là, tu ne peux pas aussi réprimander celui qui est le kafar. Pourquoi? Parce que lorsqu'il établit toutes les preuves, les ulama, franchement, ils ont montré les preuves. Mathalan, Cheikh l'Islam, quand il fait un livre, Tis'iniya, on l'a dit. Il fait Tis'iniya. Tous ces livres-là, il les a fait pour qui? Pour montrer chez Al-Hujja. Kitab al-Iman, Al-Wasitiya, Tadmouriya, tous les livres-là qu'on a cités, il les a fait pour qui? Pour bayer le Muhammad. Il dit, Cheikh al-Uthaymin, en fait, quand est-ce que tu vas juger? Aoula al-Ladina yanfouna sifat, ou il a khiré. Il dit, Cheikh al-Uthaymin, et ça, si je me souviens bien, et na'am, je me souviens, il le dit dans Raud al-Murbi'a. Tu vois, c'est un livre de quoi? C'est un livre de fiqh. Mais c'est dans Kitab al-Ridda. C'est dans le livre de l'apostasie, Kitab al-Ridda. Cheikh al-Uthaymin, il dit, on va regarder les qara'in. On va regarder, sur ce Moubtadi'a-là, on va regarder les qara'in, on va regarder les indices. Si on a beaucoup d'indices qui prouvent qu'en réalité, cet homme-là, il veut, vraiment s'opposer au sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les renier, les réfuter et ne pas les accepter. Si on voit, si on a des indices que cet homme-là insiste sur ça, khalas, c'est un kafir. Comme ça, il te dit, Cheikh Al-Uthaymin. Mafoum, il te dit la base. Mathalan, Abu Hanifa, il était clair sur ça. Il disait, celui qui yenfi que Allah, il est fait l'ulou, malgré tous les dalils qu'on a, et tu dis, hada la tataraddadish fi takfiri. Il dit, celui-là, tu ne dois pas hésiter, hésiter sur son takfir, c'est-à-dire sur le fait qu'il est le taxé de mécréant. Vous avez compris ça? Mafoum, hada. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va regarder? On va dire, puisque vous avez un ta'wil, on vous laisse, on va essayer de vous l'enlever. Mais si après il insiste et il persiste, il te dit, Cheikh Al-Uthaymin, là-bas c'est un tout cas. Parce qu'en réalité, il ne cherche pas la haqq. Vous avez compris? Et il y a une erreur aussi qui est faite chez des frères, Adanallahu Iyahum, c'est que lorsque tu parles des Asma wa Sifat, ne parle pas de Ibn Taymiyyah. Ne parle pas de. Des contemporains ou de l'Uthaymin. Tu sais, l'Uthaymin de Qawaid Muthla, lui, pour lui, déjà, Cheikh l'Islam, c'est rien. Alors, l'Uthaymin, imagine-toi, c'est quoi pour lui? Vous avez compris? Non, les frères, quand on parle de Asma aussi faite, quand on parle d'Asma aussi faite, on parle au temps des Sahaba directement. Vous avez compris? Dis, écoute, moi, la tabaka, les tabakat qui sont venus après eux, c'est-à-dire les générations qui sont après venues, je commence à. Si tu veux, je commence à partir de l'imam Malik. Je prends juste l'imam Malik. Mais avant, ou sinon je prends avant lui. Soit les quatre imams, soit avant lui. Mafoum ? Soit les quatre imams, soit avant lui. Mais pas après. Vous avez compris ? Parce que lui, il m'a a'tarif aslan. Lui, il ne va pas reconnaître. Déjà, l'imam Malik, quand on leur a dit, l'imam Malik, il a dit, Al-Istiwa ma'lum al-akhir, il a dit, c'est du kadhib, l'imam Malik. Déjà ça, même ça, ils ont dit, c'est du kadhib. Eux, quand ils sont au pied du mur et quand ils n'arrivent plus à trouver de dalil, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est du kadhib. Voilà, eux, ils ont la règle. Vous avez compris ? Celui qui? Ouais, c'est lui qui veut qu'il vienne avec la preuve. C'est comme la dernière fois, je vous expliquais avec le hadith. Le hadith, c'est à lui de venir avec la preuve, que c'est un mensonge. Vous avez compris, inshallah. Parce que déjà, ce livre-là, Cheikh Abdelazer, il a fait une dirasa kamila. Il a fait une étude complète sur ce athar. Il a ramené tous les sénètes, toutes les chaînes de transmission. Et en vérité, ce qu'il a fait, Cheikh Abdelazak, il a été mouffaq. Parce qu'en réalité, il sait que ça, c'est comme une épine sur leur gorge. C'est comme un sabre sur leur cou, ce athar de l'imam Malik. Parce que tout le monde reconnaît la grandeur de cet imam-là, de l'imam Malik. Tous. Alors le fait qu'il est venu avec ce athar-là, et le fait qu'il a vraiment eu lieu, et qu'il est venu par plein de chaînes de transmission. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il a fait l'étude des chaînes de transmission. Il a montré qu'il était sahih, ou la chèque, d'accord, avec les livres, des tarajim, c'est-à-dire des biographies, pour montrer que ces hommes-là, ils ont rapporté effectivement ce athar-là, et les différentes versions de ce athar-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il fait une dirasa, c'est-à-dire il fait une étude de l'analyse du texte de l'imam Malik. Et ensuite, par exemple, quand il va dire l'istiwa ma'loum, il va commencer à développer cette chose-là. Al-kayf majhoul, il va développer cette chose-là. Vous avez compris, inshallah? Donc, il a fait ce qu'on appelle une dirasa au niveau des chaînes de transmission et une dirasa, une étude au niveau de quoi? Du sens du athar. Vous avez compris? Et ça, c'est une shawka. Ça, c'est une épine. C'est une épine qui est dure pour eux. Vous avez compris? Et lui, c'est intelligent ce qu'il a fait. Cheikh Abdelrazak Al-Abbad. D'ailleurs, il a fait un autre livre qui est très intelligent, c'est le Taqsim du Tawhid. Beaucoup de contemporains disent qu'il n'y a pas de Taqsim Tawhid en trois ou en deux, ou comme vous voulez le faire là, vous les hein? Nous. Vous avez compris? Taïb, vous, Al-Sunnah là. Il dit non, il n'y a pas ça. Taïb. Lui, il a fait tout un livre pour montrer que c'était à l'époque Ibn Manda, hein, et d'autres qui sont venus, hein, Ibn Abi Asim et tous ceux qui sont venus à cette époque-là avaient déjà divisé le tawhid. Et lorsqu'on divise le tawhid, c'est pour approcher, pour mieux faire comprendre aux gens le tawhid. C'est pas pour dire que voilà, khalas, on vient, on le divise parce qu'on a envie de le diviser. Non, c'est pour faire comprendre. C'est comme le nahou. Le nahou, il y a des livres, d'accord. Le nahou, ça n'existait pas autant des sahaba, ça n'existait pas. Mais pourtant, tout le monde savait parler, parce que tout le monde savait parler l'arabe, ils n'avaient pas besoin de règles, d'accord. Mais quand il y a eu le lahn, quand il y a eu des gens qui se sont trompés dans le nahou, etc., alors là, il y a eu quoi? Et il y a eu les livres dans le nahou. Donc vous, là, pourquoi vous êtes capable d'accepter ça dans le nahou? Parce que vous étudiez le nahou aussi. Pourquoi vous êtes capable d'accepter ça dans le nahou, dans le sarf, etc., et vous ne l'acceptez pas dans une science qui est quoi? Qui est la aqidah et qui est la science la plus importante. Vous avez compris, inshallah? Fahimtou ma'ada? Taïb. Donc, je reviens sur cette masala-là. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux indices. Si tu vois que c'est quelqu'un qui s'entête et qui persiste à ne pas vouloir affirmer la sifa, tu kafirou. Mais ça vient avec quoi? Des qara'in. D'accord? Ça vient avec des qara'in. Après, il y a des grands imams, comme l'imam Ibn Hajar, il y a des grands imams, etc., qui sont tombés dans cette erreur-là, dans l'ash'arisme, etc., par le fait qu'ils ont vécu dans une bi'a, dans un endroit où il y avait beaucoup de ces ulama. D'accord? Alors ils sont tombés dedans, mais les ulama, ils ont regardé, ils ont dit. D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, il disait, Ibn Hajar, mutakhabbat fi hada. Mutakhabbat, ça veut dire quelqu'un qui mélange. Pourquoi en vérité? Parce qu'en fait, Ibn Hajar, il était athari. Il suivait le dalil. Vous avez compris? Il suivait le dalil. Il était accroché au dalil. Il aimait la science du hadith. C'était un grand muhaddith. Mais la bi'a dans laquelle il a vécu, hein, l'endroit dans lequel il a vécu, c'était la Ash'ariya. Donc, en fait, il était tiré entre les deux. Alors, des fois, il disait non, le madhab des salafs, c'est suivre la aqida comme il le faut, comme les sahaba l'ont compris, etc. Et des fois, il disait, mais cette sifat, tu ne peux pas la comprendre comme ça. Vous avez compris? Donc, il était quoi? Hein? Il mélangeait. Hein? Il était entre les deux. Et c'est ça qui a fait que les ulama n'ont pas jugé Ibn Hajar comme le premier venu qui dit, moi, salut, je suis Ash'ari, et qu'est-ce qu'il y a? Et ça y est, je vous présente ma aqida, c'est comme ça. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Donc, on ne va pas juger les gens de la même manière. Lui, on a vu que de temps en temps, il était attaché au dalil. Mais on a vu aussi de temps en temps qu'il était imprégné par cette aqida. Et par le fait qu'il était hésitant entre les deux, comme dit l'Uthaymin, il disait qu'il était entre les deux. Cheikh l'Uthaymin dit ça sur eux. Il dit, alors on va dire que c'était un grand savant, rahimallah, qui est tombé dans cette erreur. Pour venir pour le kaffar ou pour dire oui, c'est un ash'ari, etc., etc., et dire directement que c'est un mubtadi', comme certains l'ont dit, il a akhiré, la hala khata. D'accord? Ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça que ce n'est pas le savant, lorsqu'il tombe dans une erreur, tu ne le kaffares pas, ça dépend déjà de l'erreur que c'est, mais tu ne lui donnes pas le même jugement, le même statut qu'un autre. Et ça, c'est ce que beaucoup de shabab n'arrivent pas à comprendre. Vous avez compris? Un savant, par le fait qu'il a eu des sawabiq, par le fait qu'il a eu des arrières, il a fait beaucoup de choses de bien pour l'islam. Lorsqu'il tombe dans une erreur, tu ne le juges pas comme qui? Tu ne le juges pas comme le premier venu. Là, ça c'est pas l'adl, ça c'est vrai ou c'est faux? La preuve, c'est lorsque le prophète, il a jugé qui? Hatib. Hatib qui avait livré le secret du prophète, et qui avait prévenu les Quraysh qu'il allait venir. Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, tu es un munafiq. Il a dit, laisse-moi lui trancher la gorge. Et ensuite, Hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salam? Il a dit il faisait partie des gens de Badr. D'accord? Il a regardé une hasana qu'il a fait dans le passé, le khair qu'il a fait, et ensuite il a jugé par rapport à ça. Donc il y a des ulama qui disent que lorsque on regarde le khair, s'il est ghalib an shar, si le khair qu'il a, il est plus grand que le shar, hein, forcément on ne le juge pas de la même manière. Par contre, après, si son shar il persiste, et si tu vois que malgré que c'est un alim, son char il persiste, il est là, il défend toujours le batel, etc. Là, il n'y a pas de mal de quoi de lui donner le statut qu'il mérite. Vous avez compris? Mais hein, le adl, Allah ya'muru bil adl, Allah a dit quoi? Allah ya'muru bil adl, Allah a dit, hein, a ordonné le adl. La justice, c'est ça. Ça, quelqu'un qui a fait beaucoup de khair même dans ta vie. Hein, quelqu'un qui a fait beaucoup de khair, même dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu vas le juger? Qui t'a fait beaucoup de rire, est-ce que tu vas le juger comme quoi? Comme le premier venu, qui te fait un mal. Moi, je pose la question. Non. Sahalala. Allah, il dit dans le talaq, Allah, il dit dans le talaq, et n'oubliez pas les mérites que vous avez eus, les bonnes choses que vous avez eues ensemble, afin qu'il y ait une séparation juste et équitable. Vous avez compris? C'est-à-dire quand tu te sépares ta femme, Allah il a dit at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf wesh ou tasrihun bi ihsan. Imsak bi ma'ruf at-talaqu marratan, il dit le talaq c'est deux fois. D'accord? Parce que la troisième fois khalas, c'est plus ta femme. Mafhoum? Jusqu'à ce qu'elle se remarie, vous connaissez. Jusqu'à ce qu'elle se remarie et qu'après si lui il a talaq, après là tu as le droit de te remarier avec elle, vous avez compris? Il dit le talaq c'est deux fois. Ensuite il dit fa imsakum bi ma'ruf, soit tu restes avec elle convenablement, c'est-à-dire dans une bonne vie convenable, etc., un bon comportement avec elle, ou tasrihun bi ihsan, ou alors tu le dis, tu te sépares d'elle mais avec bienfaisance. D'accord? Avec bienfaisance, avec justice, avec équité, pas allez hop, hein, tu la jettes comme si c'était je ne sais quoi. C'est quand même ta femme, c'est ton c'est ton honneur. Mais vous avez compris ça, Inch'Allah. Vous avez compris? Mais regardez à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wala tansaw al-fadla baynakum, n'oubliez pas les mérites, les bonnes choses que vous avez eues ensemble. Donc tu ne juges jamais une personne qui t'a fait du khair comme celui. Comme quelqu'un qui, par exemple, je ne sais pas moi, était dans une mosquée, on lui a permis de faire des doros, il a akhiré, il a akhiré, il a akhiré. Mashallah. Et du jour au lendemain, tu le vois, il juge cette mosquée comme je ne sais quoi. Ah, il commence à dire, en vérité, cette mosquée-là, c'est des moubtadi'a, etc., etc., etc. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, non, les histoires de mouazenettes, c'est encore plus, c'est un petit peu plus compliqué, déjà. Les mouazenettes, c'est quoi? C'est de dire, de ne pas montrer, de montrer, comment dirais-je? De montrer les bienfaits ou les bonnes actions de la personne lorsque tu fais une réplique sur lui. Ça, oui, lorsque tu fais une réplique, je vous dis, lorsqu'on fait une réplique, d'accord, on ne cite pas les bienfaits de la personne. Mais ça ne veut pas dire que tu dois oublier les bienfaits de la personne. Vous avez compris? Donc les bienfaits sont quand même là. Vous avez compris, ça, Inch'Allah? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils te disent, khalas, eux, ils t'apprennent à être à quelqu'un qui n'a même pas de pitié. Hein, qui vient, qui. Voilà, ils t'apprennent à être à quelqu'un qui n'a pas de pitié. On ne voit pas le khair sur toi, tu es un moubtadi', tu es ceci, tu es cela. Ah, taïeb, quand je te donnais à manger, tu ne me disais pas que j'étais un moubtadi'. Quand tu étais avec moi, tu faisais des assises, tu ne disais pas que j'étais un moubtadi'. Mais le jour où tu as eu un problème avec moi, ben, je suis devenu un moubtadi'. Vous avez compris? Ça, c'est triste, ça. D'avoir à faire face à ce genre de choses. Wallahi, c'est triste. Ala kulli hal. Mais attendez, juste je finis cette parenthèse-là. On va revenir à la question. Est-ce que vous avez bien compris cette chose-là? Pourquoi? Parce que c'est en relation avec le livre, les frères. Il y a beaucoup de ulama que vous allez tomber sur eux. Il y en a des ulama. Hein, des ulama qui sont tombés dans l'acharisme, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas peu. Ils ne sont pas. Le nombre n'est pas petit. Par exemple, Nawawi, il était dedans, bien comme il faut. Nawawi, il disait, comme Ibn Hajar, il disait aussi, At-tabarruk bis-salihin, At-tabarruk bis-salihin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme que tu vois qui est salih, tu as le droit de prendre la bénédiction de sa salive, la bénédiction de sa sueur, etc. Comme le prophète, alayhi salatu salam. Pourtant, c'est aidé. T'es ulama. Il n'y a pas longtemps avant la da'wah de Sheikh Mohammed Abdul Wahhab fil Hijaz, eh ben, il prenait, vous savez, le maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Il mettait de l'eau dedans et il buvait. Il mettait de l'eau là où il y a la trace de ses pieds. Hein? Enfin, Allah alam si c'est ses pieds, mais à la kulli hal, il y a deux traces comme ça. D'accord? Il mettait de l'eau dedans et puis après il buvait, il se lavait avec, etc. Et il y avait même le puits, moi il y a quelques années encore je l'avais vu, le puits de Zemzem, il y a à peu près 10 ans, il y avait le puits de Zemzem, c'était une espèce de petite, avec des escaliers, une petite cave et tout. Là ils l'ont enlevé, hein, parce que c'était Allah Musta'an à l'intérieur. Déjà t'arrivais, c'était sombre, hein, tu vois les gens ils se lavent, ils font des trucs bizarres dans cet endroit-là. Heureusement ils l'ont enlevé. Mais tu voyais les bida'a et les choses qui... Deux rak'at, tu sais, deux rak'at dans Zemzem, je sais pas moi. À la kulli hal, c'est écrit nulle part, mais bon, ils font... Ou deux rak'at à Safa et Marwa, à chaque fois, ils font un petit peu comme ils veulent, là, les gens, les masakins. Ils veulent faire le khair, mais... Donc, le tabarruk, etc., ça, c'est une aqida qui existe encore. Et qu'il y avait en Syrie, il n'y a pas si longtemps encore en Syrie, avant même tous ces événements-là, des frères revenaient de Syrie et nous disaient qu'on allait chez des chouyours, c'était des chouyours soufis, ces chouyours-là disaient, avant que tu te maries avec cette fille-là, il faut que tu me la ramènes pour que je mette la baraka dedans. Mais ils parlent de quoi là quand ils parlent de baraka? Akramakum Allah, on est dans une mosquée, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il fait. Et ils le faisaient. Et ils disaient. Et il le disait, c'est pour mettre la baraka. Donc, cette aqid, hein, ces croyances-là, elles ont été répandues. Et venir, toi, enlever toutes ces aqaïd-là, toutes ces mauvaises croyances-là, hein, qui vont jusqu'à presque être de l'adoration des êtres, hein, des êtres, hein, « ittakhadou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah », d'accord ? Eh bien, c'est pas facile, et c'est normal qu'à la fin, on te traite de tekfiri, de khawarij, de ceci, de cela. C'est normal. Parce que toi, tu essaies d'éradiquer, hein, ce genre de croyances qui peuvent mener à l'enfer. Forcément, on va parler mal de toi et on va dire sur toi. Donc la da'wah qu'il a fait Cheikh Mohammed, c'était vraiment un tajdid, une vraie revivification de la religion. Wa jazahallahu khayran anna wa anil muslimina khayra. Wa nasallahu an yirhamahu rahmatan wasi'a. Wa jazahallahu. Vous avez bien compris ça? Donc les ulama qui tombent dans le ash'arisme, on va regarder. Mathalan, vous avez aussi le shir d'Ibn al-Qayyim. Mais d'ailleurs, lui, il était dedans. Hein. Ismail al-Harawi. D'accord? Mais qui ont vu en lui du bien quand même. Ils ont vu qu'après, il a fait un livre qui s'appelle Dhamm al-Kalam. D'accord? Et son livre Dhamm al-Kalam, dedans, justement, il a un qul, il a un aql dedans, où il kafal l'ash'ari. Lui-même, Ismail al-Harawi, d'accord. Et c'était un Hanbali qui était le shir de qui? De Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Vous avez bien compris ça, mes frères? Donc, il existe. Les chouyours de, comment dirais-je, de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, il avait des chouyours, c'était des Asha'ira. Esh al-Ishkal, il avait des chouyours qui étaient quoi? Qui étaient des Asha'ira, Esh al-Ishkal. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois avoir des chouyours Asha'ira. Non, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Vous avez compris? Il n'y avait que ça. Et c'est pour cela que les ulama permettent, d'accord, d'étudier chez des mubtadi'a, mais à une condition. À une condition que tu ne trouves pas autre que. Vous avez compris? Si tu ne trouves que ça, et tu n'étudies et tu ne prends pas les sciences qui vont être malsaines sur toi, comme par exemple l'apprentissage de quoi? De la aqida, d'accord? Tu ne vas pas apprendre le ash'arisme chez un ash'ari, non. Mais tu vas peut-être prendre le sarf, le fiqh. Parce que le fiqh, il ne va pas rentrer dedans, il ne va pas rentrer dedans sa aqida. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc tu as le droit, chez certains shanaqita, chez certains soufis, tu as le droit de prendre le fiqh, mais si tu ne le trouves pas, si tu ne le trouves pas, ailleurs, alhamdoulilah, maintenant, aujourd'hui, hein, ils ont donné à Mouhim ce qaïd-là. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? Il y a même des fatwas de ulama sur ça, à la kulli hal. Et lui, il prenait ça, mais par contre, l'aqidah, il a fait le tajdid. Cheikh al-Islam Taymiyyah, c'est lui qui a pris le ghurbal, Ah, c'est lui qui a pris la passoire et le filtre. Et il a commencé à s'offrir. Ah là, ça c'est pas une bonne aqida. Ça c'est pas une bonne aqida. Ça c'est une bonne aqida. Il a tout enlevé et il t'a remis. Il t'a remis. Zallahu khairan. Pour revenir sur la question du frère, et ouais, termine. Yenfestifat, Nafiusifat, ça peut être du kufr, ça peut être du shirk. Il y en a qui voient que le kufr c'est du shirk. Et le shirk c'est du kufr. Shirk dans le sens quoi? Dans le sens c'est qui lui pour dire que Allah il a pas cette sifa? C'est comme si alam al-ghayb, ça ou là? Allah a dit laysa kamithlihi shay. Comme on lui connaît lui? C'est lui qui attribue, c'est lui qui enlève maintenant. C'est-à-dire c'est lui le hesh, c'est lui le musharri', c'est lui. T'as compris? Dans ce sens-là, il y a des ulama, ils vont dire hesh. Ils vont dire kufr ou shirk. Là, tu peux le rentrer dans les deux. Vous avez compris? Fa'adalahu bish. Taïb. Yani, c'est la question que tu poses. Adalahu bi adam. Yu'attiluhu. Et bien, on va regarder. Si lui, de toute façon, même dans les deux cas, si lui, il le fait et il persiste sur ça, na'am, tu peux dire mushrik ou tu peux dire mulhid. Yulhid fi ayatillah, tu peux dire kafir. Parce que quand est-ce que ça devient du shirk? Ça devient du shirk quand c'est comme si c'était lui qui avait légiféré cette chose-là et qu'après les gens ils le suivent comme si c'était un tarot et qu'il faut le suivre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est Foulen qui a raison. D'accord? Il ne regarde pas les dalils, il dit voilà, c'est un tel qui a dit que cette sifa n'existait pas, ils le suivent. Donc ils ont fait quoi là? Hein? À la fin, il l'adore lui. Vous avez compris, Inch'Allah, à la fin c'est lui qui légifère. Comme celui qui légifère une seule loi. Comme celui qui légifère une seule loi. Quand tu légifères un seul truc, fait din, khalas. Allah il l'a appelé, il a dit Am lahum shuraka. Shara'u lahum min ad-din. Ma lam ya'dan bihillah. Est-ce qu'ils ont des associés? Am lahum shuraka. Shara'u, ils ont légiféré. Eh? Shara'u lahum min ad-din. Ma lam ya'dan bihillah. Ils ont légiféré une religion. Et que Allah n'a pas permis. Vous avez compris? C'est khatir. C'est khatir. Et pourquoi? Et pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Pourquoi Allah dit ça? C'était qui? C'était des prêtres et des moines qui donnaient quoi? Qui donnaient des ordres. Et les gens, ils les suivaient avec le mot. Et ils disaient non, c'est comme si ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses ordres et ses interdictions. Donc on voit bien que le shirk, les frères, on ne parle pas assez du shirk qui est fait tachri'a. Qui est dans quoi? Dans tachri'a, dans le fait de légiférer. Ça, on ne parle pas assez de ça. Ça, les gens ne comprennent pas bien ce sujet-là. Avant, oui, c'était les ahbar et les rohban qui faisaient le tachri'a, qui décidaient ça c'est halal, ça c'est haram. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est tout le monde. Hein? Maintenant, c'est tout le monde. Avec la démocratie, ça. C'est tout le monde maintenant. Hein, c'est le premier venu qui vient. D'ailleurs, c'est ça le danger du vote, les frères, pour ceux qui ont voté. Tu viens, tu donnes ta voix à quelqu'un. Et non seulement c'est un tarot, mais le pire, c'est pas ça. C'est que lui, il va légiférer derrière. Lui, il va voter derrière. Il va légiférer. Il va voter des lois. Il va. Hein, tu lui donnes ce pouvoir-là. Et cette loi-là, ça sera contre toi, ou peut-être même pour toi. C'est possible que ce soit pour toi, mais ce n'est pas parce que c'est pour toi. Il ne faut pas que tu regardes que le pour toi dans cette histoire. Il faut que tu regardes aussi le contre toi. Et il faut regarder même pas ça, il faut regarder le fait que tu lui attribues ce pouvoir-là. Le pouvoir au Bachar de quoi? De te tenir. Vous avez compris? Parce que ces qawanines, etc., toutes ces lois forgées, etc., c'est pour vous tenir, c'est pour nous retenir. Ça, oh là là. Mais en vérité, quand tu dis, toi aujourd'hui, tu n'as même pas le droit de dire, oui, mais moi je m'en fiche de cette loi-là. Tu n'as même pas le droit de dire ça. C'est ça leur liberté. Si un jour la démocratie elle vote contre elle et qu'elle dit, on n'a pas le droit de la démocratie, on n'a pas le droit d'avoir la démocratie, ben, il n'y aura plus de démocratie. Ça prouve quoi? Ça prouve la nullité de la démocratie. Zéro, force zéro. Tu te rappelles, avant, je ne comprenais pas le zéro, après, il y avait une barre comme ça, il y avait zéro. Maintenant, je le comprends. Avec un là, tu comprends. La moustache. Hein? Non, c'est khatir le vote, attention. Au minimum, le minimum, c'est haram. Ça, c'est strict minimum. Si ça ne va pas jusqu'au kufr. Allah musta'an. Qu'Allah nous préserve. Après, les solutions, il y en a. Les solutions, c'est tawhid al-umma. C'est ça. L'unification de la umma. Que la umma soit unie. Et les moyens de pression, il y en a des autres. Il n'y a pas que le vote. Wallillahi alhamd. S'ils voient que tu es une umma unie, ils verront en toi, inshallah, beaucoup d'eux. Yani, ils craindront plus, hein, ta parole ou ton mal ou ton bien. On continue, inshallah. Vous avez bien compris cette masala là, des ulama, etc. Ça, j'insiste bien parce que aujourd'hui, tu peux tomber même, hein, sur ce genre de problème. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on a des ulama, ils sont salafis dans leur aqida, dans leur manhaj, dans tout. C'est des salafis. Et c'est des gens qui suivent le délire. Ou alakin, ils peuvent avoir des erreurs sur le fait que, voilà, ils ne veulent pas suivre un tel sur la critique d'un tel. Ou telle chose. Vous avez compris? Ces gens-là, on les prend parce que, hein, ils n'ont pas voulu suivre un tel sur telle critique, on les prend, on le sort de la salafia, regardez bien. On le sort de la croyance, là, toute cette croyance qu'on est en train d'apprendre, on le sort, malgré que lui-même il enseigne cette croyance, hein, on le sort de ça, et on dit sur lui, allez, Hizbi, ce que tu veux. Après, tu lui donnes tous les mots qui finissent par I, mais qui ne sont pas salafi. Vous avez compris? Ça, c'est grave. Ça, c'est... Moi, wallah, les frères, Cheikh al-Barrak, vous savez, Cheikh al-Barrak, il a fait plus de 30 ans avec Ben Baz. Cheikh al-Barrak, c'est un alim kabir. Wallah, que tu le vois, moi je l'ai vu, wallah, alhamd. C'est un homme, mashallah, tu sens qu'il a la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et mashallah, il parle, il a ashrah les kutub d'ailleurs, il a ashrah les kutub de l'aqida. À la kulli hal, son CV, si tu veux le regarder, va regarder sur le net. On a dit, on ne juge pas, hein, on ne juge pas le premier venu comme celui qui a des gros bagages, ça, halala, taïb. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je vois un gars qui m'a envoyé une photo sur Twitter, il me dit, regarde comment il parle de le Barrak. Un petit jeune, là, il vient, il dit quoi? Ce Barrak, ce Ikhwani Hizbi, il parle d'un homme qui aurait pu être son arrière-grand-père. Son père ou son arrière-grand-père? Et je le sais, hein, je connais son âge, ce petit jeune-là qui parle. Il parle comme ça, d'une montagne, comme ça, allez hop, c'est un Ikhwani, un truc. Alors que même les gens qui l'ont critiqué, même ceux qui ont dit on n'est pas d'accord avec Cheikh al-Barrak, eh ben ils n'ont même pas dit ce mot-là sur lui, Ikhwani. Même eux, ils ont un petit peu plus peur que, malgré qu'ils le pensent, hein, ça, même ceux qui le critiquent, malgré qu'ils le pensent. Mais, lui, il s'est permis une chose. Regardez, c'est ça que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, Cheikh al-Barrak, justement, on parlait de quoi? On parlait de Fath al-Bari, ça? On parlait du livre Fath al-Bari, qui est l'explication de Bukhari. Cheikh al-Barrak, il a fait les ta'liqs dessus, et il a montré les erreurs d'Ibn Hajar dans l'Aqidah. On lui a, puisqu'il est aveugle, lui, on lui a lu le livre, et il a dit, hop, arrête-toi là. Là, ça, c'est une erreur. Dans l'Aqidah, après, il la corrige. C'est-à-dire qu'il pourrait corriger l'Aqidah de, je ne sais, s'il a corrigé l'Aqidah déjà d'Ibn Hajar dans ça, que dire de celui qui le traite d'Ikhwani ou de... Hein, Allah musta'an. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est face à ça. On est face à des ulama qui sont salafis, fil mu'taqad, fil manhaj il akhiri. Et ensuite, parce qu'ils tombent sur une erreur ou deux, on les juge comme si c'était le premier venu. Ça, c'est la justice, ça. Allah musta'an. Soyez juste au moins. Soyez juste. S'il serait tombé sur Dieu. Déjà, un savant qui tombe dans le hacharisme, on ne le juge pas de la même manière. C'est vrai, c'est faux. On ne juge pas de la même manière. On vous a donné les exemples. Alors que dire d'un homme qui fait l'asl, il n'est même pas hachari, il est salafi fait l'asl. Vous avez compris? Que dire d'un homme comme ça? Est-ce qu'on va le juger de la même manière? Moi, je pose la question. Là. Et aujourd'hui, on est face à ça. Hein? Le malheur de Twitter, là, et des Facebook, et des gens là, qui perdent leur temps. Allah musta'an. Vraiment, c'est malheureux. Les réseaux sociaux, là, c'est vraiment une catastrophe, les frères. Allah musta'an. طيب القسم الثالث من جعل المعنى المتدابر متبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خالصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. نعم ليس le sens qui vient à l'esprit. C'est celui qui vient directement lorsque tu lis le texte. Vous avez compris ça? Parmi les textes des attributs, un sens nul qui ne convient pas à l'emploi et qui est de l'anthropomorphisme. Ensuite, à cause de cela, ils ont nié ce qu'il signifie comme sens qui convient à l'emploi. Ce sont les partisans du dépouillement. Que leur dépouillement soit général dans les noms et les attributs ou particulier dans ces deux-là ou dans l'un des deux. Ils ont détourné les textes de leur sens à de leur sens apparent vers des sens désignés avec leur raison. Ils ont éprouvé beaucoup de peine à les désigner. Ils appellent cela de l'interprétation, alors qu'en réalité, c'est une aberration. Non, c'est ça. طيب, vous avez compris ça, Inch'Allah. À la kulli hal, même lorsqu'ils disent l'insan, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit bal yadahu mabsoutatan, ils disent al yad c'est quoi? C'est al quwa, صح? صح? Ils disent c'est al quwa. طيب, l'insan il a une quwa ou pas? L'insan il a une quwa ou pas? طيب, هل الإنسان قوة؟ فإن قالوا لا قلنا كيف ذلك؟ ها؟ Comment? Si vous dites qu'il n'y a pas une قوة, c'est faux. Tout insan a quoi? A une قوة. طيب, Allah, c'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى dit dans le Coran, et Allah le dit qu'on a une قوة. Il dit Allah خلقكم, Allah الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. صح? Au début on a créé de quelque chose qui est faible, et ensuite Allah nous renforce et Allah nous donne une force, n'aim. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. Connaissez le surat, dans surat, ايش? Surat Rum. Et l'insan, il a une قوة. Si on suit votre règle, d'accord? Si on suit votre règle, القوة, alors, si vous dites que c'est le Qouwa, la Qouwa aussi est un tashbih. Dans la Qouwa aussi est un tashbih. Vous avez compris? Si on suit votre règle, même dans la force, il y a quoi? Il y a un tashbih. Dans chaque chose que vous allez dire, il y a un tashbih. Il y a nas. Hein? Dans chaque chose, il va y avoir un tashbih. Donc en réalité, ces gens-là, à la fin, ils tournent. Ils sont dans une spirale. Vous connaissez la spirale du mensonge? Hein? Vous connaissez la spirale du mensonge? Tu tournes, et à la fin, on sait que tu as menti. Hein? Mais au début, tu tournes. Oh, il faut que tu... Puisque tu mens, alors non, il faut qu'on tourne pour qu'on cherche la vérité. Hein? Là, c'est la même chose. Ces gens-là, comme ils ont menti sur Allah, tu tournes avec eux, mais à la fin, hop, tu le mets au pied du mur et tu le dis, min ayna laka hada, d'où tu ramènes ça? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tayyib. Donc, on répète encore une fois, Inch'Allah ta'ala, les frères, hein, ce madhab-là, le madhab du tashbih, il est min abtalil batil. Il te dit, wa madhabuhum batilun min ujuh. أحدهما أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر, فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي, غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. طيب ليس toi, comment tu lui prouves que c'est un sens nul? Avec ce qu'on a dit auparavant. Avec le dalil du Coran, avec le dalil de Sunna, avec le dalil du Aql. Si après sans tête, tu lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire, si sans tête, c'est justement, quand tu lui montres que, khalas, il n'a plus d'argument normalement avec ça, tu verras, c'est que du hawa. Tu verras, c'est que des passions. Si lui, après, il s'entête avec ça, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Là, il est en train d'être un criminel vis-à-vis des textes. Ça, il veut faire un peu ce qu'il veut. Alors là, on lui dit, arrête-toi, ça c'est une jinaya à la nosos. Tu ne dois pas dire sur la religion d'Allah, ce que toi tu veux, ou ce que tu veux imposer. Vous avez compris? Donc ça, c'est la première des choses qui montre que il est na'am, que c'est batil. Aïwa. Donc le temthil hala, la comparaison ou le takif, ça il faut absolument préserver les nosos, les textes de cela. Et il te dit bilisan arabi. C'est très important ça les frères, parce que tout problème vient de là, du fait que les gens n'ont pas le lisan arabi. Et c'est pour ça que Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait: إنما أوتي أهل البدع ما أوتي إلا بسبب عجمة إلا بسبب العجمة. Il te dit بمعنى الكلام الحسن البصري je me souviens يعني, que je l'avais lu, te dit que أهل البدع ils ont eu ce qu'ils ont eu comme بدع par la cause de quoi? De العجمة. العجمة c'est tout ce qui n'est pas arabe, d'accord, c'est la langue étrangère. مفهوم. Souvent par le fait qu'il a, entre guillemets, une ujma, une étrangeté dans la langue, bah forcément il va être étrange même au niveau de quoi? Au niveau de la compréhension des textes. C'est pour ça qu'un vrai arabi, qui comprend le Coran, il n'a même pas besoin de ça. Un vrai arabi, il n'a même pas besoin de connaître toutes ces choses-là. S'il connaît bien, s'il comprend bien, la lora, lorat al-arab. Vous avez compris ça, mes frères? S'il comprend bien l'orat al-arab, et que al-ujma, c'est-à-dire la langue étrangère, ou les traductions aussi, souvent font que la personne peut tomber dans une forme d'égarement. Vous avez compris ça, inshallah? Parce que si le Qur'an, lorsque tu le traduis d'arabe en français, je dis bien d'arabe en français, après les autres langues, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait, ça doit tous être le même cas que je vais vous dire. Hein? On dit t'es A, traduction approximative. Si on dit cela, ça veut dire que tu n'auras jamais le vrai sens, le sens yani, qui va ressortir, le vrai sens, le sens réel et le sens véritable du truc. Tu as un sens, tu as le sens général, na'am, tu as le sens général. Mais le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à travers ce texte-là, tu ne l'auras que si tu as un minimum d'études dans quoi? Dans la langue arabe. Un arabe, même qui parle à Darija, celui qui parle à Darija, lorsqu'il écoute le Coran, il te dit ça ne vient pas d'un être humain. C'est bon, c'est bon. Il te dit comment que c'est fait là? L'intonation, les mots recherchés, etc., etc. Il te dira que ça ne vient pas d'un bachar, ça ne vient pas d'un être humain. Même les poèmes, Wallah, Dieu sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'on a lu des poèmes, on a entendu des poèmes de l'oral arabia qui sont très beaux. Hein. Les poèmes arabes, c'est très très beau. Hein. Par exemple, un modèle de langue arabe, un modèle de poème, on va vous dire, regardez tellement c'est subtil la langue arabe. Il y a des formes de poèmes, en fait, ça va être suivant le thème que tu recherches. Suivant le thème que tu recherches, il va y avoir un rythme sur les rimes. Imagine-toi. Ça existe, ça, dans les autres langues? Exemple. Tu es dans la guerre. Tu es en train de parler de la guerre. D'accord? Eh bien, la rime en arabe, elle va avoir le rythme d'un cheval qui court. Ça fait tatak, tatak, tatak, tatak, tatak, tatak, tatak, tatak. La rime, elle va faire comme ça. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la personne, elle va chercher des mots qui vont rimer, qui vont faire un rythme d'un cheval qui est en train de courir. Imagine-toi. Ça existe dans une autre langue? Ou alors quand c'est dans le hub, quand tu commences à parler du hub, il y a des grands moudouds, un petit peu comme la nounia. La nounia, souvent, ça finit, par exemple, al-ilmu, moi je connais ces deux bêtes là sur l'instant. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madhaka wa taqlidu yastawiyani. C'est parce qu'il aime le ilm. Et voilà, et à la fin, ça fait une, hein, ça fait une, comment dirais-je, ça fait une longue amad quoi, à la fin, avec la nounia, c'est-à-dire la nounia, c'est-à-dire parce qu'il termine par, à chaque fois par le noun. Et ça, c'est quelque chose qu'il aime, etc. Donc il va utiliser un shem, il va utiliser un rythme de par rapport à Aïch, hein, de par rapport au thème et au sujet qu'il va choisir. Ça existe dans les autres. Wallah, une fois, j'ai écouté un shi'r sur... c'était un rad, en fait. C'était une réplique sur quelqu'un. Et en fait, ça faisait comme un cheval qui galopait. Ça faisait... Ça faisait ça. Je me souviens juste du rythme, mais je ne me souviens plus de la biette, parce que ça remonte à longtemps. Mais ça faisait un rythme. Imaginez-vous, regardez la subtilité et la grandeur de la langue arabe. Imaginez-vous. Et les Arabes, ça pour eux, c'était normal. Hein. Ah, ils venaient, quand c'était une kabila contre une kabila, tout de suite, ils faisaient son shi'r, et ça y est, c'était fini. Des fois, rien qu'avec le shi'r, ils ne venaient même plus après les gens. Ils disaient, khalas, eux, ils ont... Et s'ils ont un shi'r comme ça, alors on ne s'imagine même pas les guerriers. Hein? Voilà, khalas. Alors, les gens, quand ils ont écouté le Coran, quand ils ont écouté le Coran la première fois, une fois carrément le prophète, alayhi salatu wassalam, il a récité le Coran tellement c'était fort, alors que c'était des kuffars de Quraysh, quand il a dit « Fasjudu lillahi wa'budu », ils ont fait sujoud. Ils n'ont pas pu faire autre chose. Allahu Akbar, tellement c'était fort. Quand tu lis le Coran, hein, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle. Subhanallah. Imagine-toi, quand Allah il parle à quelqu'un, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est vrai ou c'est faux? Regarde, quand tu lis le Coran, tu oublies tout. Les soucis, les machins, les problèmes, khalas, tout est effacé. C'est comme si tu étais dans un autre monde. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Et c'est ça le miracle du Coran. Et là, il te dit, celui qui comprend l'islam al-arab, celui qui comprend, et il ne peut pas se tromper même dans ces choses-là. Il ne peut pas se tromper. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, il te dit, الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم الساكف وغطرنيخ وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الساكف وغطرنيخ وأول قوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى إيش نعم قد قفى ما ليس له به علم وقال الله وقال على الله ما لا يعلم من وجهين الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين متساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لما لم يرد باليدين اليدين لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين إنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإن أتى بدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. ما شاء الله. Ça c'est une bonne خلاصة qu'il nous a donné ici. Lui, ما شاء الله. Comment ça, il n'a pas traduit tout le truc là? Ce verset, regardez, il dit qul innama. Ce verset, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il en parle dans I'lam al-Waqi'in, dans son livre I'lam al-Waqi'in. Ce verset, il est très important, mes frères. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il explique, d'ailleurs c'est l'explication d'Ibn al-Qayyim que je vais vous donner. L'heure elle est bonne là. Taïb. Il dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Comment il l'a traduit là? Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les turpitudes apparente et cachée. Cachée comme zina et apparente comme al-muhim. Taïb. Ensuite, il dit wa ma batan wal ithma wal baghi bighayr al-haq. Le péché, al-baghi, c'est le fait de faire du mal aux autres, d'accord, ouvertement. Bighayr al-haq, sans droit, c'est-à-dire injustement. Faire du mal aux autres, comme le fait de tuer, ou le fait de frapper, ou le fait d'insulter. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Et ensuite, le plus grand dhulm qui est quoi? Qui est le shirk. Et ensuite, il dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et ensuite, de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ibn al-Qayyim, il te dit, il a commencé, Allah, dans ce verset-là, il a commencé de la plus petite chose vers la pire des choses. Mais comment ça se fait qu'il a mis le qawl ala Allah bila ilm, c'est-à-dire le fait de parler sur Allah sans science, juste après le shirk, alors qu'on sait tous que le shirk est, c'est le pire des péchés. Ça, là, pourquoi? Regardez, il a commencé par quoi? Les turpitudes. Les turpitudes, c'est quelqu'un qui yadhlum nafsa. Ça? Ensuite, le baghi, c'est quelqu'un qui yadhlum ghayra. Et ensuite, le shirk. C'est le dhulm, le plus grand dhulm qu'Allah a interdit. C'est comme si yadhlim Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Mais regardez, à la fin du verset, il dit quoi? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Regarde comment il a médité sur le verset, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Chouf. Déjà, regarde, là, déjà le verset, tu le lis autrement, là. Juste parce que lui, il t'a fait réfléchir et méditer. Pourquoi? Parce que al-qawl 'ala Allah, c'est ça la cause du shirk. Parler sur Allah sans science, c'est ça la cause du shirk. Nasara. Pourquoi ils sont sortis du dîn de l'islam, du dîn de Messie? Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire des choses, ils ont commencé à adorer Allah sans ilm. D'accord? Sans ilm, ils ont parlé sur la. Et c'est pour ça, c'est ça le danger, de parler dans la religion d'Allah sans ilm. Vous savez, ça cause quoi? Ça cause le. C'est la cause du shirk. Vous avez compris, inshallah, ça peut être la cause de quoi? Du shirk. Est-ce que vous avez bien compris maintenant ce verset, pourquoi il le ramène? Donc, وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. C'est le sabab du shirk, qu'Allah nous en préserve. Et ensuite il dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Ne parle pas d'une chose, ne viens pas à une chose sans science, sans ilm. Attention mes frères, الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. La science avant la parole et les actes. Tu ne parles pas du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et tu ne parles pas non plus, et tu n'agis pas non plus sans science. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le dit, que ta vision, ainsi que ton ouïe et ton cœur, tout cela seront questionnés auprès d'Allah. Il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala va poser ta question, il va dire, pourquoi tu as fait ça? Il faudra que tu lui donnes une réponse. Mais ne savais-tu pas qu'il fallait poser la question et l'akhiré? Ça, là. On aura, nous, des réponses à Allah subhanahu wa ta'ala sur tout ce que tu as fais dans ton dîn? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Et c'est pour ça qu'il y avait un salaf. Hein? Non, c'était pas un salaf. Il est venu bien après. Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah ta'ala, il disait cette parole, tout le temps je la répète, il disait, j'ai préparé une réponse pour chaque parole que j'ai dite fit dunya, yawm al-qiyam. Allahu Akbar. Vous avez compris comment lui, il a vu la chose? Il a dit, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, j'ai préparé une réponse yawm al-qiyam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Ça veut dire que lui, avant de dire ou avant d'agir, il avait préparé, il a déjà le... Il a dit, moi j'ai la réponse à tout ce que j'ai. Et si seulement les musulmans se préparaient, et si seulement même ces Asha'ira ou ces Mubtadi'a, ils avaient science de ce qu'ils disaient. Yani, ils avaient pris ce dîn avec science, yani, qu'ils n'auraient pas inventé ce dîn-là. Ce dîn-là qui est vraiment un dîn qui a égaré les gens. Taïb. Vous avez compris ces deux versets-là? Donc, toi, quand tu vas parler avec le... Si tu parles, si tu es amené à parler, ou plutôt, si tu veux comprendre le ménage de ces haoulas, de ce mubtadi'a, c'est leur dire qu'en réalité, ces gens-là, ils ont parlé sur les noussous d'Allah, sans science. Là, tu es en train de parler sans science. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Taïb, tu veux faire ressembler Allah à telle chose? A'oudou billah. Hein? Taïb, quel délil? Qui t'a donné le pouvoir et le droit de faire ça? Vous avez compris? Qui? C'est comme ça qu'il faut lui dire. Pour qu'il se rende compte de la faute, de ce qu'il est en train de faire. Fahimtou mi ikhwan? Voilà. T'as, continue. L'individu qui détourne la parole de Allah Azza wa Jalla et de son messager du sens apparent vers un sens qui le contredit a poursuivi ce dont il n'a pas connaissance et a parlé d'un droit sans connaissance et ce pour plusieurs raisons. La première raison est l'individu prétend que le propos voulu dans la parole de Allah et de son messager n'est pas comme cela, bien que c'est le sens apparent de la parole. Vous avez compris la première fois, hein? Le sens apparent, c'est ça. Et le prophète, il parle en langue arabe. Pourquoi tu me sors du sens apparent vers autre chose? Vous avez compris comment on fait avec eux? C'est ça. La base, c'est ça. Pourquoi toi, t'es sorti de ça? Lèche. Et là, vous allez voir, soit son dalil, c'est un autre dalil, une choubha, ou soit c'est son aql. C'est pas autre chose. Soit c'est son aql, ou soit c'est quoi? Ou soit c'est un autre dalil qui ramène. Et qu'après on lui dit non, tu ne peux pas interpréter de cette manière parce que cette interprétation n'a ni été donnée par le prophète et ni par les sahaba. Et le premier à avoir dit ça, c'est les Asha'ira. Les Asha'ira sont venus bien après. Mais vous, ikhlas, après normalement il est... La deuxième raison est l'individu prétend que ce qui est voulu, c'est pour une autre signification que le côté apparent de la parole ne dit. Que le côté apparent de la parole ne dit pas. Son côté apparent, c'est quoi? C'est qu'Allah il a deux mains. Ça? Qui lui sont propres? Laïsa kamit liché wa sami al-basir. Voilà, khalas. Et s'il y en a, il dit oui, mais les mains, taqfou la ma laïsa la kabi ilm. Hein, khalas. Mafoum? C'est clair. Ou an taqoulu ala Allah ma la ta'lamoun. Moi, je ne connais pas. Moi, khalas. Allah il a dit yede, il a dit laïsa kamit liché wa la taqfou ma laïsa kabi ilm. Il a tout fermé, Allah subhanahu wa ta'ala. Mafoum? Le côté apparent, c'est ça. C'est yede. Mafoum? Taïb, ensuite. Attention, réel ne veut pas dire qu'elle ressemble à quelque chose. Ma foum, réel, c'est qu'elles existent. Comme l'entité, comme la personne d'Allah existe. Il est réel. Ça, ne veut pas dire. Hein, parce qu'il y en a qui pensent que quand tu dis réel, ça veut dire que tu l'as fait ressembler à la khata, même dans l'aura, même dans l'aql, dans tout, c'est une khata ça. Yallah. Bon, quand il a dit wa anna lahu dhalik, il veut dire que il n'aura jamais de preuve. Il n'aura jamais de preuve sur ce qu'il dit le frère. Jamais il n'aura une preuve. Soit c'est un gourou qui lui a dit, hein, il l'a répété bêtement, ou soit lui-même il l'interprète pour faire du ta'til, et ça on a toutes les réponses, on a toutes les réponses et on les a dit auparavant, comment il va sortir de là pour aller là, mafoum, que lui-même en tombant dans le ta'til en vérité, sans s'en rendre compte, il a fait quoi? Forcément il a fait du teshbih, d'accord? Et si tu as fait du teshbih, tu rentrais dans l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Donc, خلاص, lui après il est balancé d'une interdiction à une autre, d'accord, il passe d'une interdiction à une autre. Si toi tu arrives à le cerner avec quoi? Avec les nusus, avec les textes choisis par Cheikh. Ici Cheikh choisit des textes pour qu'en fait la personne elle soit cernée, pour pas qu'elle aille ni à droite ni à gauche. C'est pour ça que toi, tu dois utiliser ces textes-là, c'est impératif. Si tu ne les connais pas, tu ne pourras jamais parler avec ces gens-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Hein, là. Taïm. Bon, là, maintenant, c'est Al-Ta'til. Bon, on a vu Al-Tashbih, khalas. Al-Tahrif, Tahrif, c'est ceux qui ont fait, hein, qui veulent changer le sens ou qui veulent donner un autre sens sans dalil. Parce qu'en vérité, le tahrif, ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont voulu sortir du teshbih. Alors, ils ont fait le tahrif. Ils ont voulu sortir du teshbih, hein, de la comparaison ou de la ressemblance. Et ils sont rentrés dans quoi? Dans la mauvaise interprétation. Et là, le ta'til, c'est la finalité de leur madhab. À tous. À tous. La finalité de leur madhab, c'est ça. Sauf qu'il y en a qui sont plus courageux. Les jahmi, ils te le disent directement. Allah, sami' bila sam'a. Basir bila basar. Un truc qui ne va rien dire. Ma foum, hein, il est audient, mais il n'est pas audient. Et il est kada, il est kada. A'udhu billah. Hada, khalas. Le jahmiya, c'est les kuffars. Voilà le chèque. Mais, l'asha'ira, c'est un petit peu plus subtil. Ils ne vont pas te dire Allah ne parle pas. Ils vont dire Allah, il parle, mais c'est un kalem nafsi. Voilà. Il va détourner. Il va rester entre eux. Ech, le haqq et le batil. Et d'ailleurs, son kalem, il est batil. Mais c'est un batil doun, hein, ech. D'où l'adak al-batil. C'est un batil qui est moins rude et moins direct que l'autre batil. En fait, la sha'ira, pourquoi c'est le petit-fils du Jahmi? C'est parce que lui, il a avalé la shubha. Mais il a dit, il a voulu faire le grand écart entre al-sunna et al-jahmiya. Oui, mais les jahmiya, quand même, ils sont uqala, ils ont compris ça. Mais il n'empêche que al-sunna aussi, voilà, il est entre les deux. Non, c'est soit al-haq, soit al-batil. Tu choisis ta route, soit tu es un bon, soit tu es un mauvais. Hein? Donc, là, il faut bien comprendre qu'à la fin, la finalité du madhab des Asha'ira, même s'ils disent kalam nafsi, d'accord, hein, on leur dit le kalam nafsi, déjà, il n'existe pas, et ça, il y a un livre tout prêt pour vous, Tis'iniya, de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, si vous ne voulez pas l'admettre. Hein, et on leur dit quoi? On leur dit Toubou ilallahi azza wa jal, parce que la finalité de vos paroles, c'est que le Coran, c'est pas le kalam d'Allah, et ça, c'est grave. Puisque le Coran, à la fin, pour eux, c'est comme si c'était un kalam makhlouq, parce que c'est la parole de soit Jibril ou soit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Ils ont dit Jibril abbar an kalamillah. Jibril a compris la parole d'Allah et ensuite il a, mais ils disent pas, il a pris la parole d'Allah et il a donné, hein. Non, Abba, chouf. Qu'est-ce qu'il a là? Toujours du batel. Toujours du batel. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont dit, si Allah parle, c'est comme si tu disais que Allah a une langue, makharij al-huruf, etc. etc. Ya subhanallah. Qui vous a dit ça? Qui vous a parlé de ça? Laysa kamithlihi shay. Après, vous traitez al-sunnah d'anthropomorphiste, alors c'est vous qui avez imaginé un corps à Allah? Hein? Et une langue, il a akhira, a'udhu billah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Qui vous a dit ça? Qui vous a fait ça? Même le radab. Le radab, pour eux, il n'existe pas. Pour eux, les Asha'ira, le radab n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le radab, alors c'est le sang qui monte au cerveau, et qu'après, tatati, tatata, regardez. Ma fahimu ish, ma fahimu min al-nusus illa ish, illa al-tashbih. Ils n'ont compris des textes que la ressemblance et la comparaison aux créatures. A nous, Ahl al-Sunnah, on leur dit non. On leur dit non, non, non. On leur dit laïsa kamithlihi shay, wa sami' al-basir. Ghadab yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le ghadab d'Allah, il est pareil que le ghadab du makhlouq? Non. Bah alors pourquoi vous le comparez? Al-kalam ou fiesh? Fussifati kal-kalam ou fi-dhat. Ça, c'est des règles, les frères, je les répète. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça s'imprègne. Il faut que ça reste. Faut que ça. D'abord, ça rentre là, et après, ça coule dans ton cœur. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, qui veut essayer de te rentrer cette choubaha-là, il n'arrivera pas. T'as toutes les clés pour pouvoir l'empêcher de te faire rentrer cette aqidah batila. Vous avez compris ça, Inch'Allah, les frères? Donc, la finalité du madhab des Asha'ira, et je le répète, c'est Allah n'est pas au-dessus de son trône. Et Allah ne parle pas. Donc, et Allah, ça veut dire qu'il n'a pas nazal le Coran alors. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont kaffar. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui kaffar, c'est al-bida' qui parlent sur les tawhid, l'asma wa sifat. Et ceux qui sont pires que l'Asha'ira, les frères, alors là, si déjà il y a un khilaf sur l'Asha'ira, hein, sur le takfir, hein, que dire alors de ceux qu'on a, nous, aujourd'hui, là, les Habash et compagnie, hein. Eux, c'est pire. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, eux, c'est pire. Hein. Eux, en plus, encore les Asha'ira, yahtarimoun. L'ulama, il y a des asha'ira qui respectent des savants. Eux, ils ne respectent même pas les savants. Eux, ils kaffarent direct. Ben Bess, un kaffar, enfin, même les contemporains. Alors là, les contemporains, tu leur en parles même pas, c'est des kaffars pour eux. Si Mohamed Abdel Wahhab, si Cheikh l'Islam, c'est un kaffar, parce qu'ils le disent aussi, c'est un kaffar pour eux, khalas. Il n'y a plus de. Ben vous Allah musta'an. Ils disent, oui, nous, on respecte Cheikh l'Islam, etc., etc., comme celui qui passe sur Internet, là, hein. Mohamed Adam Miskin. Il vient, il dit, nous, on respecte Cheikh l'Islam. Ça, c'est une touqia, ça. C'est comme l'Asha'ira. C'est comme les Rafida al-Shia. Il te dit, nous, on respecte Cheikh l'Islam, etc. En vérité, ils ne respectent rien. Dans leurs assises, ils kaffarent. Ils kaffarent. Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Taïb. Al-Ta'til, oui, vas-y, fini. Non, ça, je ne l'ai pas lu. Alors, vous avez compris, le wajh al-rabi' là, hein? Ça, c'est en mukhalafa avec le madhab du prophète, alayhi salatu salam, et des sahaba. Et toi, reste toujours à la source. Ne t'éloigne pas de la source. Tu restes sahaba, sahaba, sahaba. Est-ce qu'ils ont compris comme toi, tu es en train de comprendre et comme toi, tu es en train de faire? Non, khalas. Moi, je ne t'écoute pas. Pourquoi? S'il te dit, Anna, moi, je suis les sahaba, radiallahu anhu. S'il te dit, moi, je ne suis pas obligé de les suivre, il y a des ulama qui ont expliqué la religion bien après eux, justement, quand il y a eu ce genre de conflit dans les asma aussi faites. Tu dis, non, nous, notre référence, c'est eux, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. D'accord? Et tu dois ramener ensuite les dalils. Hein? Donc, il y a ces dalils-là que tu dois cerner de ceux qu'il a ramenés dans les qawa'id Cheikh al-Uthaymeen, mais aussi les dalils qui montrent le mérite de qui? De sahaba. Des sahaba, hein, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, c'est dans sourate Nisa, ويتبع غير سبيل المؤمنين, et il ne suit pas la voie de qui? Des mu'minin, des muslimis, des mu'minis qui sont qui? À plus forte raison qui ici dans ce verset là? Aywa, sahaba, vous avez compris ça, inshallah? هذا هو الضلال المبين, quand tu ne suis pas les sahaba, خلاص. طيب, الوجه الخامس ان يقال للمعطل, هل انت اعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا, ثم يقال له هل أخبر الله, هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم, ثم يقال له لا خلاص هذا يكفر, ثم يقال له هل نعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا, ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا, هذا ما يقال له. الله أكبر, سنقاش والله تلغوتيان بيان عجيب. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فسيقول لا, ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم, ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا, فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق على حقيقته وظاهره اللائق بالله اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وما ذاك يضرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ الله أكبر. أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ نعم، خبر ليس. فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الله أكبر، عجيب سنقاش لا أنه تسكدي الشيخ العثيمين سبحان الله. قوية بيان عالم أشعري كي فنى مكة ومدين et que tu le disais à Cheikh Al-Uthaymin, il se déplace en personne pour le naqash. Il disait, ramenez-moi, ou sinon je vais aller le voir. Et Cheikh Al-Uthaymin, il était convaincant. Déjà, akhlaq, ajib. Mais dès qu'il savait que c'était un alim, pourquoi? Regardez, c'est comme le tajir. Le tajir, tu vois, il investit là où il faut, ça. Et là, Cheikh Al-Uthaymin dit, lui, c'est un alim. C'est un alim, attention. C'est un alim, c'est-à-dire, okrub, le shams. C'est un alim. Ça veut dire que lui, si c'était un shinqit ou un... Peu importe, parce que les shinqit, il y a beaucoup qui ont cette aqida. Mais maintenant, alhamdoulilah, khaffat chouya fihim. S'il voit que c'est un alim dans le nahou, dans le fiqh, etc., il dit, ramène-le. S'il est ash'ari, ramène-le. En lui enlevant cette aqida, d'accord ? En lui enlevant la aqida qu'il a, et en mettant la aqida salafia, khalas. Il n'y a plus besoin de le corriger, khalas. Il y a tout ce qu'il faut maintenant. Maintenant, il va pouvoir, il est salafi dans sa aqida, et dans son fiqh, le fiqh à la rigueur, il choisit le madhab qu'il veut. Mais tant qu'il a une bonne aqida, c'est le principal. Vous avez compris? Donc, il se déplace en personne, ou alors il le ramenait, et il yukrimuhu, yatakallam ma'a, hatta yazulu, hada. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et c'est comme ça. Et il en a fait revenir au Lillahi l'Hamd, ça c'est sûr. Hein? Et c'était un frère qui avait étudié avec lui, justement, qui m'avait raconté cette histoire. Et Cheikh Al-Uthaymin, au Lillahi l'Hamd, Allah, il nous a facilité sa vue. Le fait qu'on l'a rencontré, on l'a vu, on a assisté à des dros avec Cheikh Al-Uthaymin. C'était un homme, quand tu sortais de son dars, il était ajib, cet homme-là. Quand tu sortais de son dars, ta foi l'augmentait, mais grave. Et ton khuluq est changé, automatiquement. C'était automatique. T'ta'affar bil kalam. Il avait une manière de parler et une manière de convaincre que j'ai jamais vue ailleurs. C'est-à-dire qu'avec tout, le respect que j'ai pour tous les shuyukh, wallahi alhamd, j'ai pas vu un shaykh comme lui. Il était vraiment impressionnant. Quand il parlait, c'était daqiq. Il prenait un verset et hop, il le décortiquait. Il s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce verset-là. Je m'en rappelle. Il lisait l'imam par exemple, fil haram, il lisait mathalan surat kada ou surat kada. Lui, la première des choses qu'il faisait, il faisait ses deux rak'at et ensuite il s'assied sur le coursi. Quand il s'assied sur le coursi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mada qara al-imam. Après, il lui disait tel verset. Et lui, tayyib, aqra aliyah. Il lui citait les versets et ensuite il dit, ustafadu min hadhihi al-aya. Et c'est parti, mon frère. Et il sortait les leçons de là, du verset. Et voilà, c'est parti. Il te donnait les. Kada, normal. Deux. Hein, sans préparer, sans rien du tout. Rajoul, il a tout ce qu'il faut déjà sur lui. Hein. Et khalas, il donne. Et à la fin, il faisait quoi? Liqa maftouh. Liqa maftouh, c'est quoi? C'est comme une rencontre ouverte. Et khalas, il parle avec toi. Et tu poses tes questions. Et, walillah, il nous avait enseigné à l'époque le hajj. J'ai jamais vu un homme aussi patient dans quoi? Dans l'enseignement. Il pouvait répéter les ahkam du hajj de 3 à 5 fois entre le maghrib et l'isha et ba'd l'isha. Il n'arrêtait pas. Les gens, quand ils sortaient, connaissaient le hajj par cœur. Ils venaient juste pour enseigner. Wallah, les frères qui s'asseyaient avec lui, ils sortaient, connaissaient le hajj par cœur. Hakada. Ensuite, tu fais quoi? Kada. Et tout le monde répète en même temps. Même ceux qui ne comprenaient pas l'arabe. Même ceux qui ne comprenaient pas l'arabe, ils disaient deux, il faut répéter cette phrase-là. Ils disaient Tanien. Hop, ils répétaient. Talitan. Hop, ils répétaient. Khalas. Cheikh, il disait Ajib. Il avait un amour de l'enseignement Ajib. Et là, ce niqash-là, il te montre la. Et Cheikh, il voulait le khair pour la Ummah. Hakikaten. Il aimait beaucoup le khair pour la Ummah, ça se sentait. Hein, même dans sa manière de parler, même dans sa manière de se comporter avec même le Kham Mukhalif. Hein, il avait beaucoup de wara, beaucoup de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nassallah an yarhamahu rahmatan wasi'a. Taïb. Donc, lis ce niqash et tu vas voir comment Cheikh était, hein, même dans sa logique, comment il était fort, rahmatullah alayhi. Parce que si elle répond oui, hein, c'est quoi son hukum celui-là? On s'arrête. Hein. On lui dit salam à la man tabi'a al-huda. On ne lui dit plus salam alaykoum. Taïb. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Khalas. Ensuite, on lui dit, est-ce que ce dont Allah a dit de lui-même est digne de foi et véridique? Il répondra certainement oui. Ensuite, on lui dit, connais-tu un discours plus éloquent et plus clair que le discours de Allah Azza wa Jalla? Il répondra certainement non. Et ça prouve bien que le Coran, il est clair, les frères. Pour ceux qui disent que le Coran ne suffit pas comme Hujja, le Coran, il suffit comme Hujja, subhanallah. Il est clair, le Coran. Surtout que maintenant, c'est traduit maintenant, le Coran, subhanallah l'azim. D'accord? Donc le Coran en lui-même, il est clair. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, l'a appelé Hujja baligha. Il a dit que c'était une Hujja, une preuve claire. Et Allah, il l'a appelé une surat al-bayyina. Hein, la preuve claire. Donc le Coran, c'est clair, wa lillahi alhamd. طيب. Ensuite, on lui dit, crois-tu qu'Allah Azza wa Jal a voulu cacher dans ses textes la vérité aux êtres afin qu'ils la déduisent avec leur raison? Voilà, regardez la subtilité. Là, regardez le latif. C'est que même si cette bid'a elle est venue bien après, hein, le temps des sahaba, toi, il faut que tu lui poses cette question-là. Tu lui dis, est-ce que Allah t'a donné le choix? Yani bima'na, est-ce que toi, tu as le droit de venir avec ces istinbatat, c'est-à-dire ces déductions qui viennent de toi-même en disant que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus du trône parce que si tu dis ça, ça veut dire ça, etc. Toutes ces bida'as, toutes ces innovations, hein, tu lui dis, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire ce que tu dis là, t'a permis de est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé, parce que c'est comme si on disait que le Coran et la Sunna, il y a des choses, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il y a des choses qui sont mystères, et qui sont quoi, et qui sont entre guillemets mystères et charades. Non, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un Coran clair, c'est vrai ou c'est faux? Et de dire qu'il y a des choses, il y a des mystères dans le Coran et dans la Sunna et l'Akhiré, ça c'est faux ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça c'est faux. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous ne serez jamais, oui. Mais pas les choses, مثلا alif lam mim, sad, etc. Oui, ça c'est des choses qu'on ne sait pas. D'accord? Mais il y a des ulama qui ont dit ça en vérité on sait. Pourquoi? Ils ont dit il y a des ulama sad ou alif lam mim ou qaf, etc. C'est pour déjà te remettre en place, pour te dire qu'il y a des choses que tu ne sauras jamais. Vous avez compris? Pour te dire déjà, pour te remettre en place toi-même et te dire qu'il y a des choses, il y a des choses que tu ne sauras jamais. D'accord? Mais pas des mystères dans quoi? Dans la aqidah. Est-ce qu'il y a des mystères? Il n'y a pas de mystères dans la aqidah. Il y a des choses, oui, ça fait partie du ghaib et que tu n'as pas le droit justement de parler dedans, comme ça là, comme les histoires d'innovation là dans leur kalam à eux, d'accord? Et il y a des choses justement que tu as le droit de parler et que tu dois croire et que tu dois parler pour montrer le haq du batil, vous avez compris? Surtout si quelqu'un vient aujourd'hui avec son aql, il commence à faire des ici une bataille, il a akhiré. Taïb, continue. Voilà ce qu'on lui dira en ce qui concerne le Coran. Ça, c'est la première partie, le Coran. Aïwa. Quant à ce qui provient de la Sunna, on lui dira: connais-tu mieux Allah que ton messager, Allah alayhi wa sallam? Il répondra non. Ensuite, on lui dit: est-ce donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit d'Allah, est digne de foi et de vie? Il lui répondra oui. Ensuite, on lui dit: connais-tu quelqu'un qui tient un discours plus éloquent et plus clair que celui du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, on lui dit: connais-tu quelqu'un qui conseille mieux les serviteurs d'Allah que nos messagers d'Allah? Il dira non. On lui dit donc: si tu es certain de tout cela, alors pourquoi n'as-tu pas eu l'audace et le courage à attester ce qu'Allah a attesté pour lui-même, puis que le messager d'Allah a attesté pour lui selon le sens propre et apparent qui convient à Allah? Comment peux-tu avoir de l'audace et du courage pour nier sa réalité au texte et de détourner vers un sens qui contrarie le sens apparent et ce sans connaissance? Et qu'est-ce qui te nuira si tu attestes à Allah ce qu'il a attesté pour lui-même dans son livre? Regardez comment il se descend encore à lui. Hein, il baisse encore le. Il dit: est-ce que ça va te nuire de dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même sait? S'affirmer lui-même. Est-ce que ça va tenir, ça, Yom Al-Qiyam? Vous avez compris? Ah, khalas, oublie tout le reste là. Les bida'at, les ta'wil, khalas, mets ça de côté. Là, si toi tu dis, moi, je dis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même, hein, s'est attribué à lui-même, d'accord? Je le dis. Est-ce que ça va le nuire? Ça va pas le nuire. Hein, pourquoi alors il s'entête? C'est ça qu'il veut dire ici, chien. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Allah lui-même dans le Coran, il le dit d'une manière claire. Lima khalaqtu bi yadi. Tu dis yadi, et alors tu dis Allah il a deux yad. Khalas. Moi je m'arrête sur ça. Est-ce que ça va le nuire ça? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit qu'il a créé avec ses deux mains. Allah lui-même a dit qu'il avait deux mains. Lèche. Pourquoi? Je ne vais pas attribuer cette chose-là. Est-ce que ça va le nuire? Regardez maintenant qu'est-ce qu'il a fait. Regardez l'autre encore, l'autre niqash, jusqu'à pour lui faire comprendre la vérité. Est-ce que ça va te nuire si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue demain? Est-ce que ça va le nuire? Moi je pose la question. Non. Pourquoi? Parce que lui-même il dira: Ya Rabbi, c'est toi qui as dit ça dans ton livre. Ça, oh là là. Il pourra donner ça comme réponse ou pas. Or, les autres, hein, les bidars imaginaires là, qui sort là, yed, ça veut dire quwa, etc. Et alors qu'on peut lui dire, il est quwa, alors c'est pas de la ressemblance aussi à l'insan, et toutes les réponses qu'on peut lui donner derrière, hein, ça non. Alors que ça, c'est des bidars, et que ça, on est sûr que le prophète, alayhi sallam, et les sahaba n'ont pas dit ça. On est sûr, ça, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on est sûr? On est sûr. Ma foi, mirwan. Allah musta'an. Regarde, il le dit, la yadurru kada. C'est pas Ajib où il s'est descendu, shikh là. Quand on dit c'est descendu, se mettre à son niveau, pas descendu dans le mauvais sens. Selon la manière de conduire, tu as pris ce qu'il y a dans le livre de la Sunna en attestant ou en niant. N'est-ce pas pour toi une meilleure préservation et plus juste pour ta réponse lorsque tu seras interrogé les jours de la résurrection? Qu'avez-vous répondu aux envoyés? Voilà, on va te dire Mada ajabtum al mursalin. Qu'avez-vous répondu aux messagers? Toi, si tu as aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdulillah, tu as suivi le livre à la lettre et la Sunnah à la lettre, alhamdulillah. Tandis que lui là, celui qui vient et qui commence à dévier du sens et jusqu'à faire du ta'til ou du tashbih, celui-là, est-ce qu'il aura vraiment répondu au message? Hein? Non, il n'aura pas répondu au message. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit bien « Mada ajabtum al-mursalin » Ça veut dire qu'Allah va nous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous avez répondu au prophète? Il va te la poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on a répondu au prophète? Nous, on a répondu au prophète quoi? « Amanna bihi » Sah ? Nous avons cru en lui. « Walillah alhamdu wa nasallahu al-thabat ala dhalik » Et nous avons cru en lui et nous n'avons pas, nous ne sommes pas détournés de son message et nous avons cru en son message et surtout, dans la aqida, nous avons attribué les noms et les attributs dans leur source propre. Mais faut mieux croire, vous avez bien compris? Taïb. Ça, c'est important, ça, ce qu'il dit Chir, là. Allez, va te faire, continue. Le détournement de ces textes, de leur sens apparent et la désignation d'un autre sens, ne suscite point un risque sérieux de ta part. En fait, regardez, là, il est en train de lui dire attention, c'est risqué ce que tu fais. Vous avez compris? Il veut lui faire peur. Ça, là, c'est risqué. Hein, vaut mieux que tu restes sur l'apparence des textes et que tu ne t'éloignes pas. Là, continue. tu vas t'entourner le sens. Et subhanallah. Car il se peut que c'est batil ce qu'il a dit, et c'est forcément batil, puisque c'est soit le haq, soit le batil. Taïb. Ensuite, il dit, al-wajh al-sadis, continue, inshallah, on finit avec ce wajh al-sadis. Il dit, fi ibtali madhhab ahli at-ta'til annahu yalzamu alayhi lawazim batila wa butlan al-lazim yadullu ala butlan al-maljum. Fa min hadhihi al-lawazim awwalan an ahli at-ta'til. Là, maintenant, on va vraiment faire de l'audot sur qui? Sur Al-Ta'atil. Et Al-Ta'atil, les premiers, au plus haut niveau, c'est qui? C'est les Al-Jahmiya. Taïb, et ensuite ceux qui les suivent. Awalan, anna ahl al-Ta'atil, lam yasrifu, nusus al-sifat, an dhahiriha, illa haythu a'taqadu annahu mustalzamun, au muhimun li tajbihi Allahi ta'ala, bi khalqihi, wa tajbihu Allahi ta'ala, bi khalqihi kufr. Liannahu ish? لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد الخزعي أحد مشائخ البخاري رحمهم الله من ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. طيب لسا مجلة سيزية ما هذا كلاش معني سيبقى وخلي بون ساس ان تي بو نا باش لوازم الباطله اي بطلان اللازم يدل على بطلان سي اون اتريبي اون شوز نول دونك فورسيمون تو سكي فا سويف سي نول مفهوم تو سكي فا سويف اش اي نول اي انسويت يل دي اي بارمي سي لوازم بارمي لي شوز فازي كونتينيو Voilà, regardez, tout de suite. Ils ont eu quoi ? Ils ont tout de suite compris que de ce texte-là, forcément, il y a un tashbih derrière. Vous avez compris ? Eux, c'est leur aql, le pauvre, qui a pris un coup. D'accord ? Non, c'est vrai, c'est leur aql qui a pris un coup. Ils ont compris directement, des nosos du tashbih. Alors, est-ce qu'il y a du tashbih dans les nosos ? Non. Ils n'ont pas tout lu le Coran, on dirait. Parce que s'ils avaient lu tout le Coran, ben, il y a un verset qui dit « Laïsa kamit lihiché ». Donc ça t'enlève tout de suite le tashbih. Vous avez compris ? Et c'est ça que je vous ai dit la dernière fois. Je dis, ça, je le répète depuis le début du das, parce que leur plus grande chouba, elle est venue là. Hein ? Ils ont dit « Allah, il nous a donné un akhla ». Ce support-là, on est obligé de l'utiliser. Et ce support-là ne peut comprendre des textes que le tashbih. Il ne peut pas comprendre autre chose. Vous avez compris ? Ou quelque chose qui ressemble. Si ce n'est pas le tajbih, c'est quelque chose qui ressemble. Et après, c'est le tachabot total. Après, là, c'est les contradictions totales qu'on a vues. Vous avez compris ? Taïb. Et ensuite, ce qu'il dit, regarde, écoute. La comparaison d'Allah avec ses créatures est un blasphème. Parce que c'est déclaré sa parole. Blasphème, kufr. Hein, on est bien d'accord. Hein. Celui qui ne connaît pas, blasphème égale kufr. Et quand on dit kufr, le asl, c'est quoi ? C'est l'akbar ou l'asghar ? Akbar ou asghar ? Kufr, il se divise en deux. Hein. Al-Asl, quand on dit kufr, c'est quoi ? C'est qu'il est akbar et qu'il n'est pas ashar, sauf s'il y a un dalil qui le prouve. Et là, non, ça c'est du kufr, ish, akbar. Pourquoi ? Parce que c'est un tagrib, vas-y, continue. Il n'y a rien qui lui ressemble, qui lui soit semblable. Non, il a dit tajbih, ish. Il a dit parce que c'est déclaré sa parole à un sujet de mensonge. Voilà, c'est un tagrib. C'est comme si tu déclarais la parole d'Allah, ish. Comme mensonge. C'est pour ça que je vous ai dit juste avant, il n'a pas lu le Coran. S'il avait lu le Coran, il n'a pas besoin de faire son aql, de faire du tashbih. Vous avez compris ? Et justement, vous avez remarqué qu'ici, Cheikh, il parle directement de kufr. Vous avez compris ? Tout de suite, il parle de kufr. Ensuite, il dit Naïm ibn Hamad. Naam. C'est pas de la comparaison. Donc celui qui fait ça, khalas, yakfur. Naam. Yakfur le temthil ou le tashbih, ça c'est du kufr. Taïb, celui qui dit yadullah mithla yadi ou yadullah tushbihu yadi, celui-là c'est du kufr. Hada yakfur hada. Automatiquement. Ou tushbih khalq hada, automatiquement yakfur hada. Foum. Taïb. Il est connu que la chose la plus nulle est de faire du sens apparent de la parole d'Allah et de son messager une comparaison et un blasphème ou en faire un soupçon. Taïb. Et bien sûr, l'apparence des textes ne peuvent pas prouver quelque chose de nul. A'oudhu billah, c'est grave de dire ça. Au contraire, elles prouvent le haqq. D'accord ? Elle prouve le haqq et elle impose le haqq. Elle prouve le haqq. Elle ne peut pas prouver quelque chose de nul. Et eux, ces gens-là, ils prennent les textes et ils disent que du sens apparent, tu dois comprendre que du batil. Et ça, à la fin, c'est une annulation de quoi ? Du din. À la fin, c'est comme s'ils remettaient en question toute notre religion. Ça, oh là là. Vous avez compris ça, Inch'Allah, les frères ? Taïb. On s'arrête là sur... Mouhiman. Mouhiman, c'est quelque chose qui peut... faire penser que Mouhim Touhim Shay'an, c'est à dire tu veux faire penser que telle chose, hein? Ouais, qui peut faire imaginer, qui peut faire, ouais, c'est même le waham. Parce que quand tu dis wahimta, c'est dans le sens tu t'es trompé, mais tu as imaginé quelque chose de vrai alors que c'est faux. Ah, il appelle ça l'utopique. Ouais, voilà, bah, quelque chose d'utopique, c'est imaginer quelque chose, il y en a qui possible d'avoir lieu alors que c'est qu'il n'existait pas et qu'il ne pourra pas avoir lieu.